بسم الله الرحمن الرحيم سندخل اليوم في الدرس 72 leçon et هذا باب جديد un nouveau chapitre qui est باب الصحابة après que l'auteur ait terminé le باب qui concerne ce qui touche pour Mohammed صلى الله عليه وسلم il va un peu plus parler sur les Sahaba bien que dans ce chapitre plein de choses en réalité seraient plus en droit d'être placées dans le chapitre qui touche au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Akaza. Naam. Donc en premier lieu, il y a quoi le fils-soël, Athalis wa Khamsin wa Arba Amiya. 453e question. Ma ta'lifu sahabi. Quelle est la définition du sahabi, le compagnon? قال والذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وانتقل له الرداء comme les savants ont défini, c'est celui qui aura rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant croyant et qui est mort sur la foi, même si entre temps il aurait été éprouvé par une apostasie. Donc lui c'est un sahabi, même il a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne serait-ce qu'un instant, ou qu'il a rencontré, quand on dit vu, car ça aurait pu être par exemple un aveugle, il ne l'a pas vu. Il aurait été à sa présence ne serait-ce qu'un instant. Et il est considéré comme étant un sahabi. Et Sohba, on appelle Sohba, c'est-à-dire le statut du compagnon, c'est le statut le plus haut qui puisse être attribué dans le mérite à un homme en dehors des prophètes et des messagers. C'est le niveau le plus haut qui puisse être. Et c'est un mérite énorme, que rien ne vaut. Qala fi su'al rabi' wa khamsin ba'd 400, 454e question. Hal yujadu min as-sahabati man huwa dha'if ou muttahimun bil kadhib. Est-ce que parmi les sahaba, certains qui sont faibles ou qui sont accusés de mensonge? Quand on dit faible, là il parle dans le rapport de hadith en riwaya, c'est-à-dire dont le hadith n'est pas accepté. On dit non. Dans la réponse, c'est que tous les sahaba sont tous udul, tous des gens justes. D'accord? Aucune critique à leur encontre en ce qui touche à ce domaine-là n'est acceptée. D'accord? Acceptée. Maintenant, ils ne sont pas infaillibles dans des actes, dans des compréhensions, ils font des ijtihad qui des fois ne peuvent remettre en question. Mais en ce qui concerne le fait qu'ils rapportent un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là-dessus, on doit les croire obligatoirement. On parle du sahabi. Après, il y a d'autres personnes dans la chaîne de narration qu'il faut regarder c'est quoi leur situation. Quant au sahabi, lui, c'est accepté automatiquement. والدليل قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله عز وجل dans le sens où il dit les précédents parmi les premiers ainsi que les muhajirin et les ansar, ceux qui les ont suivis dans le bien, Allah les agrée et ils agréent Allah. Surat al-Tawba verset 100. Donc Allah عز وجل a fait leur éloge, leur tazkiyah. Et là personne après cela ne peut revenir là-dessus et remettre en question leur statut. Et celui qui viendra parler sur eux, d'accord, cela est considéré comme étant de la bid'a. Et cela peut aller plus loin que la bid'a, cela peut aller dans le kufr, si jamais il amène à les critiquer ou les rendre mécréants, par exemple comme les Rafida, à cause de leur religion, par exemple. Ou dans le hadith, dans le hadith Imran ibn Hussein, quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, khaylukun korni, thumma lazni alunahum, qui l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des siècles, la meilleure génération, c'est la mienne. C'est-à-dire lui et ses compagnons. Puis ceux d'après, c'est-à-dire la génération d'après qu'on appelle les tabi'in. Puis ceux d'après qui sont adba'a tabi'in. Et ces gens-là, ce sont sur eux qu'on emploie le terme salaf à la base. Et principalement les compagnons. Mais les trois générations. Et par la suite, des savants ont été plus loin en disant que toute personne qui est mort en étant sur la voie de ces gens-là, d'accord, c'est un salaf pour nous. Car salaf, c'est une personne précédente qui t'a précédé, qui était avant toi, prédécesseur, comme ils le traduisent. Quand le fils Souel, al-Khamsa wa Khamis wa Khamsin wa Arba'amiya, 455e question, Man wa Afdal Sahaba, qui est le meilleur des compagnons? Car maintenant, ils ne sont pas tous du même niveau. D'accord, les sahaba ne sont pas tous du même niveau, bien que le moindre des compagnons est meilleur que le meilleur entre nous, Quand j'ai le meilleur entre nous, je parle les meilleurs de ceux qui sont venus par la suite. Mais les Sahaba eux-mêmes ne sont pas d'un même niveau. C'est-à-dire qu'il y a les grands compagnons qui ont été présents depuis le début, qui ont affronté beaucoup d'épreuves avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres qui l'ont vu peu de temps ou de loin, dont par exemple on n'a pas entendu parler, car les Sahaba étaient très nombreux. Donc le meilleur des compagnons, c'est Abu Bakr al-Siddiq, radhiyallahu anhu, le père de Aïcha. Et c'est le seul, ou plutôt qui a été nommé comme étant le compagnon dans le Coran. Comme Allah Ta'ala, « Idh yaqul sahibuhu, idh yaqul sahibihi, inna Allah ma'ana » Que Allah dans le Coran dit bien, que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à son compagnon qui est Abu Bakr al-Siddiq, que Allah est avec nous. Allah Azzawajal l'a nommé comme étant son sahib, son compagnon. Donc dans le hadith d'Ibn Omar, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Ibn Omar, كان يقول كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. Il a dit Ibn Omar que nous avions tendance à favoriser entre les gens à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم et nous avions préféré Abu Bakr ensuite Omar et ensuite Othman. Donc les Sahaba eux-mêmes était unanime sur le fait que Abu Bakr al-Siddiq était le meilleur des Sahaba et le plus avant d'entre eux. Qui sont les califes bien guidés. Ils sont les quatre plus grands compagnons qui existent et l'ordre de leur mérite est en fonction de l'ordre de leur calife. Le premier c'est Abu Bakr al-Siddiq, ensuite c'est Omar al-Khattab qui vient en deuxième, ensuite c'est Othman ibn Affan, ensuite c'est Ali ibn Abi Talib. Il y a unanimité de la Sunna sur cela. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé ce khalifa, ce calife, comme a déjà fait Hadith Safina, qu'a la sallallahu alayhi wa sallam, il y a qu'il y a le khilafa, salafuna aman, thumma yakunu ba'da dhalika al-muluk. Donc il a dit le califa durera 30 ans. Et il y aura après cela des rois, c'est-à-dire des royaumes, plus de califes mais des royaumes. Et en comptant le temps qu'ont gouverné ces quatre grands compagnons, cela remplit ce qu'avait prophétisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Fi s-suwal al-sabi' wa khamsin ba'd 400 man hum allatheena qala fihim an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la yuhibbuhum illa mu'min wa yub'iduhum illa munafiq » qui l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont ceux pour qui il a dit que seul un croyant les aime et seul un munafiq les déteste. Il s'agit de Al-Ansar. Al-Ansar qui sont traduits comme étant par les gens par le terme auxiliaire. C'est-à-dire ce sont ceux qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Médina lorsqu'il a fait l'Hijra. Ce sont les habitants d'Al-Médina. Il est dit que leurs origines remontent au Yémen, qui sont des gens du Yémen. Et le Hadalil, c'est le hadith de Bura ibn Azib. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا المؤمنون ولا يبغضهم إلا المنافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله متفق عليه. Il a dit les Ansar, seul un croyant les aime et seul un munafiq les déteste. Celui qui les aime, Allah les aimera, et celui qui les déteste, Allah les détestera. Et même les Sahaba entre eux, ils sont de différentes catégories. Les meilleurs d'entre eux sont les Muhajirun. Ensuite, ce sont les Ansar. Ensuite, ce sont ceux qui ont porté allégeance au Nabi sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre, en Ibéa et la Redouane. Et ensuite, ce sont ceux qui ont participé à la conquête de Mecca. Et ensuite, Akaza. Mais maintenant, on parle de groupe. Ça ne veut pas dire que, par exemple, tout Muhajir est meilleur que tout Ansar. Il se peut que parmi les Ansar, tu en trouves certains qui soient meilleurs que certains Muhajir. Mais là, on parle du groupe. On parle du groupe et non pas des individus dans l'absolu. A savoir que les quatre compagnons bien guidés, les quatre califs bien guidés, étaient tous des muhajirun. Thumma qala man hum al-asharatu al-mubashirun bil jannah. Qui sont les 10 à qui ont été promis au paradis, au Jannah. Donc ils sont Abu Bakr al-Siddiq, le premier. Omar ibn Khattab, le deuxième. Othman ibn Affan, le troisième. Ali ibn Talib, 4e. Abu Ubaidah ibn Jarrah, 5e. Az-Zubayr ibn Awam, 6e. Saïd ibn Zayd, 7e. Abdurrahman ibn Ma'ouf, 8e. Sa'd ibn Abi Waqqas, 9e. Talha ibn Ubaidillah, 10e. Comme dans un hadith, justement de Saïd ibn Zayd, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, 10 sont au paradis. Et il cita 9. Et les gens dirent qui est le 10e. Et là, il se fut contraint de dire que c'était lui-même. Donc maintenant, il faut savoir que on ne dit pas, à la base, tous les compagnons sont au Jannah. Mais les particularités de ces 10-là, c'est qu'ils ont été tous nommés ensemble, dans un seul et même hadith. Mais plein d'autres compagnons, alors Nabi Sassam, on sait que c'était parmi les gens du paradis. Il y en a plein, il n'y a pas que. Mais ces 10-là ont été regroupés tous ensemble, dans un seul et même hadith. Ah oui. فهذا الذي ردنا اليوم وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك